السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، toujours dans notre cadre de l'étude du résumé explicatif du livre de nullicité, Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى, on est arrivé au chapitre sur باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. On est arrivé au hadith وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من القطران ودرع من جرب. رواه مسلم. L'auteur qui est Cheikh al-Islam, Mohamed Abdel Wahab, rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah le trie ou l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre choses dans ma communauté font partie des affaires de la période pré-islamique, jahiliya. Et il ne les délaisse pas, se vanter de ses aïeux et le dénigrement des lignées, et attribuer la descente de la pluie aux étoiles et les lamentations en raison d'un décès. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, celle qui se lamente en raison d'un décès, si elle ne se repentit pas avant sa mort, elle sera ressuscitée avec un vêtement de cuivre fondu et une cotte de galle, comme une cotte de maille si vous voulez. On va voir l'explication des termes inshallah. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique cela en disant: أولاً ترجمة أبي مالك رضي الله عنه أرضاه اسم الحارث بن الحارث الشامي صحابي. Donc c'est Abu Malik, c'est son nom, c'est Al-Harith بن الحارث الشامي, et c'est un compagnon رضي الله عنه أرضاه. من أمر الجاهلية, المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة, سموا بذلك لفرط جهلهم, وكل ما يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جاهلية. من أمر الجاهلية, parmi les affaires de la période pré-islamique. Ce qui est entendu ici par la jahiliya, c'est la période avant le ba'tha, avant l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut nommée de telle manière en raison de leur extrême ignorance. Et je rappelle que le mot jahl, jahiliya, le mot jahl veut dire ignorance en arabe. Et tout ce qui s'oppose à ce avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une jahiliya. La yatrukunahunna ay sataf'aluha hadhi al-ummah imma ma'a al-'ilm bi tahrimiha aw ma'a al-jahl bi dhalik. La yatrukunahunna, ils ne délaissent pas, c'est-à-dire que cette communauté les commettra, soit en ayant la connaissance de leur caractère illicite, soit en l'ignorant. والفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. المآثر, c'est le pluriel de مأثورة. On a dit ici, والفخر بالأحساب, et se vanter des aïeux, c'est-à-dire s'enorgueillir en raison des aïeux, des pères, des anciens, et de leurs exploits, de leurs bienfaits. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ est le dénigrement des lignées, c'est-à-dire les critiquer, les insulter. وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ أي نِسْبَةُ السُّقْيَامِ وَمَجِيءِ الْمَطَرِ إِلَى النُّجُومِ وَالْأَنْوَاءِ. On avait déjà vu que l'anwa, c'est le pluriel de naw. Walisisqa bin nujum, c'est-à-dire attribuer la descente et la venue de la pluie aux étoiles et aux astres. Wal niyaha ay raf'u s-sawti wal nadab 'ala al-mayyit. Al-niyaha, ce sont les lamentations suite à un décès, c'est-à-dire lever la voix et se lamenter sur le mort ou suite à la mort et au décès de quelqu'un. تقام يوم القيامة تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء. تقام يوم القيامة. Elle sera rejetée de sa tombe et sera placée debout le jour des comptes et de la rétribution. Sirbalun, sirbalun, min qatran, ou min qataran, ay thawbun min nuhasin muzabin talattakh tulattakhu bihi, fayasiru ka thawb. Sirbalun min qataran, c'est-à-dire un vêtement de cuivre fondu. C'est comme ça que Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué ici. Qui sera coulé sur elle et qui donc lui ira comme un vêtement. Dir'un, ad-dir' thawbun yunsaju min hadid yulbasu fil harb. Dir' c'est une cotte avec deux T-E. C'est un vêtement fait de métal que l'on met pour la guerre. Min jarabin, al-jarab maradun jildi. Al-jarab c'est une maladie dermatologique, c'est-à-dire de la peau. Et c'est ce qu'on traduit en français en général par la gale. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Yukhbiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu sayastamiru fil ummati shay' min al-ma'asi allati kana yaf'aluha an-nas qabla al-ba'tha. Wa dhalika yatamathalu fi arba'i khisalin hiya: at-ta'azumu bil-aba' ma annahu la sharafa illa bit-taqwa wa tanaqqusu ansab an-nas wa 'aybuha ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة بأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطخا جسمه بالنحاس المذاب حتى يكون ذلك كالقميص لتشتعل به النار وتلتصق بجسمه وتنتن رائحته. Le prophète, c'est le sens général du hadith ici. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il informe qu'il continuera d'avoir dans sa communauté certains péchés que les gens commettaient avant son envoi en tant que messager. Et ce sont quatre caractéristiques ici dans ce hadith. Se vanter en raison des aïeux, alors qu'il n'y a de noblesse que par la piété. Le dénigrement des lignées des gens et les insulter. Attribuer la descente de la pluie à la position des étoiles et des astres. Lever la voix en pleurant et en se lamentant au sujet d'un mort. Puis il, alayhi salatu wassalam, a ensuite mis en évidence la menace concernant la dernière caractéristique, qui que celui qui commet cela sans s'en repentir viendra le jour de la résurrection avec le corps maculé de cuivre fondu jusqu'à ce qu'il devienne pour lui tel un qamis, afin que le feu s'allume par lui et que cela se colle à son corps et son odeur devienne mauvaise. Wal'iyadu billah. Munasabatul hadithi lilbab. أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la preuve du caractère illicite d'attribuer la pluie aux astres et que cela fait partie des affaires de la période pré-islamique. ما يستفاد من الحديث. Les enseignements tirés du hadith. أولا تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. Le caractère illicite d'attribuer la pluie aux astres, et cela fait partie des affaires de la période pré-islamique. Thaniyan, anna ma kana min amri al-jahiliyyati la yatrukuhu an-nas kulluhum. Ce qui fait partie des affaires de la période pré-islamique, cela ne sera pas délaissé par tous les gens. Thalithan, anna ma kana min amri al-jahiliyyati wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi din al-islam. Ce qui fait partie des affaires et des actions de la période pré-islamique, c'est blâmable dans la religion de l'islam. Rabi'an, man'u tashabbuhi bil jahiliyyati. Quatrièmement, l'interdiction de ressembler à la période pré-islamique. Khamisan, tahrim al-iftikhar bil ahsab wa annahu min umur al-jahiliyya. Le caractère où il est illicite de se vanter en raison des aïeux et cela fait partie des affaires de la période pré-islamique. سادسا تحريم الوقوع في الأنساب بذمها وتنقصها. Le caractère illicite où il est illicite de parler des lignées en les critiquant et en les dénigrant. سابعا تحريم النياحة وبيان عقوبتها وأنها من الكبائر. Le caractère illicite des lamentations en raison d'un décès est la mise en évidence de leur châtiment. Et cela fait partie des péchés majeurs. Et vous comprenez pourquoi? Parce que vous connaissez le dawabit ou les dawabit pour qu'un péché soit considéré parmi les péchés majeurs. C'est que quand, par exemple, il y a une menace qui soit citée par rapport au feu et autres, etc. Et c'est ce qui est le cas ici. Il y a d'autres dawabit que... Ou par exemple que le prophète, il s'innocente ou se désavoue de quelque chose. Ça rentre aussi dans les grands péchés. Et d'autres encore qu'on ne va pas citer ici. Donc, ici, le huitième point, le huitième enseignement, أَنَّ التَّوْبَةَ تُكَفِّرُ الذَّنْبَ وَإِنْ عَظُمَ. Le repentir expie les péchés, et ce même s'ils sont importants. تَاسِعًا أَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٍ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يَقْتَدِي ذَلِكَ كُفْرُهُ. Ça, on avait déjà vu dans Nawaqid al-Islam. De Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, dans l'introduction qu'il avait fait à ce niveau-là. Et cette neuvième règle importante, il se peut qu'un musulman ait certaines caractéristiques de la période pré-islamique et cela ne nécessite pas sa mécréance. D'ailleurs, alhamdoulilah, je vous avais dit que je vous donnais une nouvelle, il va sortir, Inch'Allah, dans les semaines qui viennent, Inch'Allah. En livre. Donc, on continue avec la suite du chapitre. Et c'est la parole de l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا صلى لنا on va voir que dans un instant que ça veut dire صلى بنا, c'est ça le معنى, صلى لنا ça veut dire صلى بنا, صلى لنا ne peut pas traduire par il a prié pour nous, mais il nous a guidés dans la prière. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وبالكوكب برنوزي. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولهما سبحانك الذي بيدير ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نؤ كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et chez eux deux, c'est-à-dire le Bukhari wa Muslim, d'après Zayd ibn Khalid al-Juhani qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés dans la prière du subh à Al-Hudaybiyah, après qu'une pluie soit descendue cette nuit-là. Et lorsqu'il finit la prière, il se tourna vers les gens et dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Ils répondirent: Allah et son messager sont les plus savants. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: il y a parmi mes serviteurs certains qui sont ce matin croyants en moi et certains mécréants. Quant à ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ceux-ci sont croyants en moi et mécréants en les astres. Quant à ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie en raison de telle et telle étoile, ceux-là sont mécréants en moi et croyants en les astres. Et chez eux deux, encore le Bukhari ou le Muslim, comme il dit ici le Cheikh, d'après le hadith ibn Abbas, avec le même sens et dans lequel il y a, certains ont dit, telle et telle étoile ont été véridiques. Allah révéla alors ce verset, dont la traduction du sens est, non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, jusqu'à sa parole, subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est, que de traiter le Coran de mensonge. On va les citer entièrement les versets, inshallah. En tout cas, on va vous donner la référence. Et c'est le Waqi'a 75 à 82. Explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala. ترجمة زيد بن خالد هو الجهني المدني صحابي مشهور. La biographie de Zayd ibn Khalid, c'est Al-Juhani al-Madani, Al-Madani, et c'est un célèbre compagnon. صلى لنا, c'est-à-dire صلى بنا. Si صلى لنا, ça veut dire صلى بنا, فاللام بمعنى الباء. Il nous a guidé dans la prière, car ici le lam a le sens de ba. Donc important sur les traductions de revenir à l'explication de ulama pour traduire le sens et pas de manière littérale. Al-Hudaybiyah, قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي. الحديبية est une ville nommée de telle manière en raison d'un puits qui s'y trouve à une certaine distance de la Mecque et qui s'appelle aujourd'hui Al-Shamisi. إثر بكسر الهمزة ما يعقب الشيء. إثر avec une كسرة sous la Hamza, c'est ce qui se passe après quelque chose. سماء مطر سمي بذلك لأنه ينزل من السماء وهي كل ما ارتفع يعني أي سماء. سماء ciel. La pluie est nommée ainsi car elle descend du ciel. Et le ciel est tout ce qui est élevé. Min al-layl ay kana fi tilka al-layla. La nuit, c'est-à-dire que cela s'est passé cette nuit-là. Falamma ansarafa, encore une fois, ne pas traduire de manière littérale parce qu'il a dit falamma ansarafa. Quelqu'un pourrait traduire par lorsqu'il est parti de l'endroit, c'est faux. C'est quand il a quitté la prière. Yani qu'il a arrêté, il a fini la prière. فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين وليس المراد الانصراف من المكان. C'est quand l'imam se retourne vers les gens qui ont prié derrière lui. Donc il a dit, le cheikh ici حفظه الله تعالى, فلما انصرف, lorsqu'il quitta. C'est quoi le sens de ça? C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit par lorsqu'il quitta. C'est-à-dire lorsqu'il se tourna vers les gens guidés dans la prière. C'est-à-dire qu'il prie derrière lui, ce qu'on appelle المأمومون. المأموم, c'est celui qui est derrière l'imam. Et le sens n'est pas ici lorsqu'il quitte un endroit, mais le sens est lorsqu'il eut fini. Lorsqu'il a fait la main de Sarafa, c'est-à-dire lorsqu'il eut fini et qu'il se tourna vers les gens qui prient vers le ma'moumine. Atadruna lafdu stifhamin ma'nahu tanbih. Atadruna, savez-vous, c'est une formule interrogative qui a pour sens d'attirer l'attention, ou qui a pour but d'attirer l'attention. من عبادي المراد المراد العبودية العامة. متى العبودية بالعبودية؟ من عبادي parmi mes serviteurs, le sens est ici la servitude générale, parce qu'il y a العبودية الخاصة et العبودية العامة. Ici c'est العبودية العامة, la servitude générale dans laquelle tout le monde rentre. وكافر أي الكفر الأصغر. كافر ici est mécréant, c'est-à-dire mécréant de la mécréance mineure. مطرنا بنوع كذا وكذا أي نسب المطر إلى غير الله وهو يعتقد أن المنزل له هو الله سبحانه وتعالى. مطرنا بنوع كذا وكذا, nous avons reçu la pluie en raison de telle et telle étoile, c'est-à-dire qu'ils ont attribué la pluie à autre qu'Allah, tout en croyant que celui qui fait descendre la pluie c'est Allah. On a vu la différence entre les deux situations dans le cours précédent. صدق نوء كذا وكذا أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. صدق نوء كذا وكذا, telle et telle étoile ont été véridiques, c'est-à-dire le nuage et la pluie de telle étoile ont été véridiques. فلا أقسم, هذا قسم من الله عز وجل وهو يقسم بما شاء من خلقه. فلا أقسم, non, je jure, ceci est un jurement de la part d'Allah le Très-Haut, et il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures, subhanahu wa ta'ala. بمواقع النجوم أي مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر من المفسرين. بمواقع النجوم, par les positions des étoiles, c'est-à-dire la position de montée et de coucher des astres, selon l'avis de la majorité des exégètes du Coran. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. يذكر لنا هذا الصحابي الجليل ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر وما ينبغي لهم أن يقولوه عند ذلك. فيروي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه حينما امتحن الناس بإنعامه عليهم بإنزال الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين, قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إلى وجه الشكر, وقسم عفواً وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة التي إلى طلوع النجم أو غروبه وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. وفي رواية ابن عباس أن هذه الآيات هي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم, وما بعدها نزلت في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. Le sens général du hadith, ce noble compagnon nous rapporte les orientations du prophète alayhi salatu wassalam à sa communauté suite à la descente de la pluie et ce qui leur sied de dire à ce moment-là. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam rapporte de son seigneur que lorsqu'il a testé ses serviteurs en faisant descendre sur eux la pluie, dans laquelle il y a une vie pour eux, ils se sont divisés en deux catégories de gens. Une catégorie qui reconnaît la grâce d'Allah et lui a attribué le bienfait en le remerciant. Une autre catégorie qui a dénié la grâce d'Allah et a attribué le bienfait à la montée de l'étoile ou à son coucher. L'acte des premiers est appelé foi, iman, et l'acte des seconds est appelé mécréance, kufr. Et dans la version d'Ibn Abbas, il y a que ces versets qui sont, selon la traduction du sens est « Non, je jure par la position des étoiles dans le firmament » et ce qui suit comme verset, ont été révélés au sujet du déni d'attribution de la descente de la pluie aux étoiles. مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا. Le rapport entre le hadith et le chapitre dans lequel il a été cité est qu'il y a dans ce hadith le caractère illicite d'attribuer la pluie à l'étoile et il y a dans ce hadith le fait de l'appeler mécréance et mensonge. ما يستفاد من الحديث؟ Les enseignements tirés de ce hadith. أولا تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا. Le caractère illicite d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles et cela s'appelle de la mécréance. ثانيا مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة. Le caractère légiféré d'apprendre, d'enseigner aux gens et d'attirer leur attention sur ce qui déroge à la croyance, ce qui porte atteinte à la croyance. ثالثا وجوب شكر الله على النعمة وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيره. L'obligation de remercier Allah pour ses bienfaits et il est interdit de les attribuer à autre que lui. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, dans certains cours, il rapporte une règle, il dit An-ni'matu ida kufirat ida shukirat qarrat wa ida kufirat farrat. An-ni'matu ida shukirat qarrat wa ida kufirat farrat. Le bienfait, lorsqu'il est remercié, il reste, et lorsqu'il est dénié, eh bien, far, il part, il s'enfuit, littéralement, il s'enfuit, il part. رابعا إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب لأنه أوقع في النفس. Quatrièmement, présenter l'enseignement sous forme de questions-réponses car cela a un plus grand effet sur les forces intérieures. خامسا أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. C'est العلم, c'est pas العلم, c'est العلم. Celui qui questionne sur une chose au sujet de laquelle il n'a pas de science, il doit s'arrêter et laisser répondre celui qui a une connaissance sur ce sujet. Et ça, c'est très très important. Et combien de fois on a assisté à des situations où des gens, il y a des questions qui ont été posées devant nous. Hein, moi, j'étais là et que tu entends une réponse qui est basée sur le jahl pur. Hein, que c'est quelque chose que les ulama ne disent pas. Au lieu de dire tout simplement, je ne sais pas. Ou lui aussi de laisser quelqu'un d'autre répondre. Ce qui est d'ailleurs un adab. Cheikh Obeid Jabri, Cheikh Fouad Al-Amri, il a fait un tweet aujourd'hui. Il en a fait deux. Un de Cheikh Obeid et un de Cheikh Mohamed Menhadi sur certains adabs qu'on devrait avoir. Et celui de Cheikh Obeid Jabri, de manière très générale, c'est le fait que l'individu, quand il est dans une assise, où il y a des gens qui sont plus grands que lui en science, ou qui ont plus de fadl que lui, etc., il ne convient pas qu'il parle. Il ne convient pas qu'il se mettent en avant, ils ne conviennent pas qu'ils répondent aux questions quand il y a d'autres, etc. Ça, c'est un adab qui est perdu. Beaucoup de gens, il marhamah Allah, Wallahu al-musta'an. Et des fois, il y a des situations où on s'est retrouvé avec des situations un peu ambiguës et très, très inconfortables, justement à cause de ce genre de comportement-là. وصف الله بالفضل والرحمة. L'affirmation des attributs de grâce et de miséricorde à Allah. Si vous voulez, on peut lire les tweets après, je les traduirai directement. C'est même mieux encore, comme ça on a la faïda complète. Donc on a dit ça à Dissan. وصف الله بالفضل والرحمة. L'affirmation des attributs de grâce et de miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. سابعا أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. Il y a de la mécréance qui ne fait pas sortir de la religion de l'islam. Donc on vous l'a dit, on a déjà vu ça dans beaucoup de nos cours dans l'aqidah ici, c'est que le kufr est qasimu ila qismayn, kufr akbar wa kufr asghar, kufr mukhrij min al-millah wa kufr ghayr mukhrij min al-millah. Nouveau chapitre, Babu, Qawlillahi Ta'ala, Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-aya. Chapitre de la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah, jusqu'à la fin du verset, jusqu'à la fin des versets. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant, tamam al-aya. D'ailleurs, Cheikh Al-Fawzan, il complète le verset de Surat Al-Baqarah, verset 165, et il dit, حفظه الله تعالى, تمام الآية والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. La fin du verset est, c'est dans la traduction du sens est, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام فبكمالها يكمل دين الإسلام دين الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان نبه المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بهذا الباب. Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité dont ce chapitre fait partie est que comme l'amour d'Allah le Très-Haut est la base de la religion de l'islam et que donc par sa complétion se complète la religion d'une personne et par sa diminution, diminue l'unicité de la personne, l'auteur a voulu attirer l'attention sur cela dans ce chapitre, dont on rappelle qu'il est, il s'articule dans le livre de l'unicité, justement, Kitab al-Tawhid. Andada, maintenant les termes, andada, vous savez que c'est le pluriel de nid, on a déjà défini ça dans plusieurs cours. Andada, amthalan wa nudara. Andada, des égaux, des semblables. Yuhibbounahum ka hubbillah. Aïe. يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم عليك السلام يحبونهم كحب الله les aimants comme ils aiment Allah, c'est-à-dire qu'ils les mettent au même niveau qu'Allah dans l'amour et la glorification. والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب أصحاب الأنداد. Il y a deux paroles chez les ulama ici. Écoutez le verset. On a dit quoi? On a dit والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب أصحاب الأنداد لله. فسأنا في وضعت خافي وقيل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. فبخسيب بتكم خدي دمانيا. والذين آمنوا أشد حبا لله. Or les croyants sont plus ardents à l'amour d'Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les croyants sont plus ardents à l'amour d'Allah plus que l'amour des idolâtres envers Allah. Un autre avis. J'ai lu la phrase complète, comme ça, ça a plus de sens pour vous. Les croyants sont plus ardents à l'amour d'Allah, plus que l'amour des idolâtres envers leurs idoles. Le sens général du verset. معنى الآية إجمالا يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب حيث جعلوا لله أمثالا ونضراء من خلقه يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم ويذكر سبحانه أن المؤمنين يخلصون المحبة لله كما يخلصون له سائر أنواع العبادة. Le sens général du verset, Allah le Très-Haut montre l'état des polythéistes dans le bas monde et ce qui les attend comme châtiment dans l'au-delà car ils ont attribué à Allah des semblables et des égaux parmi ces créatures qu'ils mettent à égal avec Allah dans l'amour et la glorification. Allah dit que les croyants sont sincères, vouent de manière exclusive leur amour à Allah comme ils lui vouent de manière exclusive le reste des actes d'adoration. ما يستفاد من الآية les enseignements tirés du verset. أولا أن من اتخذ ندا تساوى محبته بمحبة الله فهو مشرك الشرك الأكبر. Quiconque prend une idole dont l'amour est mis à l'égal avec l'amour d'Allah est quelqu'un qui associe Allah d'une association majeure, c'est-à-dire que c'est un polythéiste. ثانيا أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص المحبة لله. Parmi les polythéistes, il y en a qui aiment Allah ardemment. Mais cela ne leur sera utile que s'ils vouent un amour sincère, exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. On continue dans le chapitre. L'auteur qui est Cheikh l'Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit « وَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ أحب إليكم من الله ورسوله الآية. L'auteur qui fait le Mezkord, il dit, et la parole rappelle que certains alimes disent que l'aïa, le taqdir, c'est akmil l'aïa. L'aïa, il termine le verset. L'Asimine rapporte des avis par rapport à ça dans le Qol Mufid à la Kitab al-Tawhid. Et la parole d'Allah, le truc dans la traduction du sens est, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chères qu'Allah, son messager, jusqu'à la fin du verset. Cheikh al-Fawzan, il dit l'ayat kamila. Maintenant, le verset dans son entièreté, qui est le verset de Surat al-Tawbah, verset numéro 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Le verset complet est selon la tradition du sens est dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Surat Tawbah, verset 24. Les termes maintenant, Hashiratukum aqribaukum ma'khoud min al-ishra. Vos proches, et c'est pris d'un mot qui est al-ishra, qui veut dire la fréquentation, la compagnie. Le même mot qui est utilisé dans la vie maritale, notamment entre l'époux et l'épouse, l'isra, al-zawjiya, al-ma'ash al-zawjiya. Dans le verset aussi, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Iqtaraftumuha, ay iqtasabtumuha. Iqtaraftumuha, que vous gagnez. Kasadaha, fawata waqtina faqiha, warawajaha, warawajiha, normalement c'est warawajiha. Kassad a son déclin, rate le temps de sa dépense et de son activité. Wa masakin, manazil, les demeures. Tardawna, tu'ajibukum liqamatu fiha, qui vous sont agréables, dans lesquelles vous aimez résider. Ahabba ilaykum, ay, in kanat hadhihi al-ashya'u ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Vous sont plus chers, ahabba ilaykum, c'est-à-dire si ces choses vous sont plus chères qu'Allah et son messager et la lutte dans le sentier d'Allah. Fatarabbasu, ay intadiru ma yahullu bikum min iqabih. C'est-à-dire, alors attendez son châtiment qui va vous toucher. Le sens général du verset. Ma'na al-ayati ijmalan. Amara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yatawa'ada man ahabba hadhihi al-asnaf fa'atharaha aw ba'daha li hubbillahi wa rasulihi. Ici vous avez un dal, moi je l'ai ici, il faut retirer le dal. Wa rasulihi. وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحو من ادعى محبة الله هو يقدم محبة هذه الأشياء على محبتي فهو كاذب ولينتظر العقوبة. Le sens général du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète عليه الصلاة والسلام de menacer أن يتوعد. Quiconque aime ces catégories de choses et les préfère toutes ou certaines à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et au fait de mettre en pratique ce qu'Allah lui a rendu obligatoire comme action qu'il aime et qu'il agrée, comme la hijra et la lutte dans le sentier d'Allah, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a donc commencé par les pères et les enfants et les frères ainsi que les amis et autres personnes similaires. Et donc quiconque prétend aimer Allah alors qu'il fait passer l'amour de ces choses avant l'amour d'Allah, alors il est un menteur et qu'il attend donc le châtiment. Munasabatul ayati lil bab, le rapport entre le verset et le chapitre. Ama anna fiha wujuba taqdim mahabbati Allah wa mahabbati ma yuhibbu Allah min al-ashkhas wal a'mali ala mahabbati ma siwa dhalik. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset l'obligation de faire passer l'amour d'Allah et l'amour de ce qu'Allah aime parmi les personnes et les actions avant l'amour de quoi que ce soit d'autre. Il y a une doua qui est connue, peut-être que vous connaissez. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Hein? Oh Allah, je te demande ton amour, de t'aimer, et d'aimer ceux qui t'aiment, et d'aimer toute action qui rapproche de ton amour. ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه. L'obligation d'aimer Allah le Très-Haut et d'aimer ce qu'il aime, سبحانه وتعالى. ثانيا وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم. L'obligation d'aimer le prophète عليه الصلاة والسلام. ثالثا الوعيد على من كانت هذه الثمانية أو غيرها أحب إليه من دينه. La menace à l'encontre de celui pour lequel ces huit choses ou autres sont plus aimées par lui que sa religion. Encore un hadith, après on s'arrêtera pour aujourd'hui, inshallah. An Anas, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. C'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim. D'après Anas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne parmi vous n'aura cru tant que je ne suis pas plus aimé par lui que son fils et son père et tous les gens. C'est rapporté par les deux, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim. Ce hadith il est cité dans, si je me souviens bien, dans le Mudakkar al-Hadith Nabawi Sharif de Cheikh Rabi'. Et je vous annonce aussi qu'il va sortir bientôt un livre avec d'autres livres de Cheikh Rabi', inshallah aussi. Bismillah. Cheikh al-Fawzan explique cela en disant: La yu'minu ahadukum, ay al-iman al-kamil. La yu'minu ahadukum, personne parmi vous ne croira ou n'aura cru, c'est-à-dire d'une croyance complète. حتى أكون أحب إليه بنصب أحب خبر أكون حتى أكون أحب إليه jusqu'à ce que je sois plus aimé par lui. أحب ici حتى أكون أحب إليه. Pourquoi c'est أحب et pas أحب? Parce que là-bas c'est أحب. Eh bien أحب c'est منصوب, il y a un نصب qu'on appelle en français l'accusatif, c'est-à-dire qu'il y a une فتحة à la fin si vous voulez, et c'est le, parce que c'est le خبر de أكون, le خبر de أكون, le خبر كان il est منصوب. والناس أجمعين من عطف العام على الخاص. Et tous les gens, c'est une coordination du général au spécifique. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة حتى يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة أقرب الناس إليه وعلى محبة كل مخلوق. لأن بسببه صلى الله عليه وسلم حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلال إلى الهدى ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله على قول كل مخلوق. Le sens général du hadith, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم informe qu'une personne n'aura cru d'une croyance correcte par laquelle sa responsabilité est dégagée et par laquelle il est en droit d'entrer au paradis, tant qu'il n'aura pas fait passer l'amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant l'amour des gens qui lui sont les plus proches, et avant l'amour pour toute autre créature. Car c'est en raison du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'on obtient la vie éternelle et la salvation de l'égarement vers la guidée. Et l'aimer implique son obéissance et le suivi de ce qu'il a ordonné, et de faire passer sa parole alayhi sallallahu alayhi wa sallam avant la parole de toute autre personne. مناسبه الحديث للباب. Le rapport entre le hadith et le chapitre. أن فيه دليل على وجوب تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل مخلوق وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la preuve de l'obligation de faire passer l'amour pour le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avant l'amour pour toute autre personne, et que la concrétisation de la foi est conditionnée par cela. ما يستفاد من الحديث. Quels sont les enseignements tirés de ce hadith? أولا وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديمها على محبة كل مخلوق. Premièrement, c'est l'obligation d'aimer le messager صلى الله عليه وسلم et de faire passer cet amour avant l'amour pour toute autre créature. ثانيا أن الأعمال من الإيمان. C'est العقيدة أهل السنة الجماعة. لأن المحبة عمل قلب. وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما ذكر. Les actions font partie de la foi, car l'amour est une action du cœur, et la foi a été déniée à celui par lequel le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم n'est pas plus aimé que ce qui a été cité. Donc ça c'est un rod pour ceux contre ceux qui disent que les actions font partie de la foi. Et donc une affirmation que les actions font partie de la foi, vous avez un dalil maintenant, un autre dalil. troisièmement, la négation de la foi n'indique pas nécessairement la sortie de l'islam. Rabi'an, anna l'iman as-sadiqa labudda an yadhara atharuhu ala sahibihi. L'effet de la foi véridique doit se voir sur celui qui la possède. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.